Le lundi 9 avril. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être en ce lundi de Pâques, en ce jour férié donc, très tôt à l'écoute de France Culture. Vous le savez, nos programmes sont chamboulés par les mouvements de grève à Radio France. Merci de vos messages, messages de soutien, de compréhension. On comprend, je comprends et je partage aussi avec vous l'envie d'un retour à la normale dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions possibles. Plus que jamais, un autre jour est possible. Avec aujourd'hui au programme un épisode de la série Le polar dans tous ses états avec Alain Léautier, aujourd'hui consacré au polar africain. Et puis en deuxième partie, je recevrai Jean-Michel Dian pour son ouvrage consacré au président de la République française dans des moments où ils sont confrontés à la solitude et au doute. D'ailleurs, ça s'appelle « Solitude du pouvoir » et c'est édité chez Grasset. Jean-Michel Dian sera avec nous dans un petit quart d'heure. Hello, my name is Dick Halloran. I'm the head chef up at the Overlook Hotel. Good evening, Mr. Halloran. What can I do for you? Sir, I've been trying to make an urgent phone call up there, but the operator said that the phone lines are down. Yeah, I'm afraid a lot of lines around here are down due to the storm. And with the storm and everything, I'd sure appreciate it if you'd give them a call on your radio just to see if everything's okay. Le polar dans tous ses états, série avec Alain Léautier, grand reporter et amateur de polar, journaliste à Marianne. Vous venez de coordonner un hors-série consacré au polar pour marquer, entre autres, les 70 ans de la série noire en France. Et aujourd'hui, on est en Afrique, en noir et blanc d'ailleurs, Alain Léautier. Alors en noir et blanc, parce qu'essentiellement, le polar africain en France et d'ailleurs... dans la plupart des pays étrangers, Allemagne, où il est très vendu, ou aux États-Unis, jusqu'à présent, ça a été le polar d'écrivains blancs, pour l'essentiel. Le polar sud-africain. Le plus connu, c'est Dion Meyer. C'est une vedette en France. Il fait tous les festivals depuis des années. Il a été plusieurs fois à Lyon. Ses livres se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires. Le dernier, Cobra... à la trace, 7 jours. Cette année, l'homme est charmant. C'est un africaneur. Anti-apartheid. Très mesuré dans ses critiques de la société sud-africaine, soutenant le processus de démocratisation et de changement de la société sud-africaine. Les deux autres très connus sont anglophones, Roger Smith, Mike Nicol. Peut-être est-ce dû au fait que sont anglophones et pas africaneurs. Donc, c'est une hypothèse qu'on peut avancer, porteur de moins de culpabilité dans l'histoire de l'apartheid. Ils sont en tout cas beaucoup plus féroces, beaucoup plus critiques, beaucoup plus destructeurs sur ce qu'est devenu la fameuse société arc-en-ciel en Afrique du Sud. Leurs livres sont aussi plus violents, plus énervés, plus noirs, pessimistes que ceux de Dion Meyer. En tout cas, c'est eux qui ont fait connaître la littérature de genre sud-africaine à l'étranger. Est-ce qu'on peut dire la même chose de toute l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique est condamnée à raconter ses problèmes politiques, d'apartheid, de colonisation, de sous-développement, de la gestion de l'après-apartheid et les désillusions qui vont avec, comme de la gestion des indépendances et des dictatures qui se sont installées presque aussitôt après ? Mais condamnée, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. C'est en tout cas, elle est dans un moment... de son histoire, où un certain nombre d'auteurs, blanc comme pour le, jusqu'à récemment, mais il y a quelques auteurs noirs qui sont apparus récemment en Afrique du Sud, ces auteurs-là éprouvent le besoin, encore une fois, avec toute la palette, toute la richesse de la palette de la littérature de genre, de prendre le pouls, la photo de ce qu'est la société sud-africaine post-apartheid. On est d'accord. Non, mais autrement posé, ma question, Alain Léautier, je suppose, et vous êtes d'accord avec moi, qu'un auteur de polar en France, aux États-Unis, il peut parler de n'importe quelle intrigue, qu'elle soit sociale, politique, peu importe, l'intrigue se suffit à elle-même. Or, est-ce qu'on ne demande pas à un auteur africain, ou d'ailleurs c'est tout aussi valable pour un auteur israélien ou palestinien, d'être conforme à l'actualité de leur pays, de leur contexte? Mais franchement, je vais vous répondre de manière de côté, un peu à côté, car en réalité, on leur demandait rien, pour la simple et bonne raison que la littérature de genre en Afrique, elle a mis beaucoup de temps à émerger, même si... nous le racontons dans un reportage consacré à la littérature de genre en Afrique du Sud. En réalité, dans les années 50, une revue confidentielle publiait déjà des récits policiers qui n'ont évidemment jamais été publiés en France. Mais pour revenir, on ne leur demandait rien. La littérature de genre n'existait pas. La seule littérature africaine connue jusqu'à une date récente, c'était les grands écrivains africains, Soyinka, etc., etc. Des écrivains dont un éditeur du Nigeria explique que leur préoccupation principale était d'écrire comme Dickens ou Shakespeare. Des écrivains donc peu accessibles, sinon aux élites intellectuelles et universitaires, et l'apparition d'une littérature de genre, c'est une petite révolution. Elle s'est imposée, au forceps. Les écrivains de genre en Afrique, dans le reste de l'Afrique, c'est au couteau qu'ils ont gagné leur présence chez des éditeurs. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir qu'un des auteurs africains de genre les plus connus en France, Janice Otsiemi, qui est un Gabonais, est originaire du plus grand bidonville, en tout cas d'un des plus grands bidonvilles de Libreville, n'est pas un universitaire, pas un journaliste, mais un gars du bitume, pour parler simplement. On peut remonter jusqu'au nord, Yasmina Khadala n'est pas sortie des grandes écoles universitaires, c'était un militaire, et pourtant c'est le premier à avoir renouvelé les codes du polar en Algérie et dans le Maghreb, avec le succès que l'on sait même en France. Mais par exemple, pour cette partie de l'Afrique que je connais très bien, c'est-à-dire le Maghreb et même l'Afrique de l'Ouest, je sais que cette envie de polar local est venue aussi parce qu'il y avait des lecteurs de polar américains et français. Oui, Janit Sotsemi, pardon, je reprends son exemple, a été nourrie, il le dit clairement, aux grands auteurs de la littérature de genre américain et français, tout aussi bien d'ailleurs qu'à la lecture de Simenon. Encore une fois, la littérature de genre n'était pas une obligation. C'est une chance que un certain nombre d'auteurs se sont donnés eux-mêmes et avec pas mal de difficultés, vu la structure de l'édition et la structure du lectorat en Afrique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à côté, je reviens à l'Afrique du Sud, des Dion Meyer, des Mike Nicol et des Roger Smith, nous avons aujourd'hui quelques écrivains noirs africains dont beaucoup, effectivement, racontent le quotidien dans les townships. Certains sont issus. Ce quotidien, c'est une matière à récits absolument extraordinaire, infini. Je vais citer quelques noms. Par exemple, Angela Makolwa, 38 ans, c'est une femme, c'est la première écrivaine sud-africaine de genre. Elle écrit des histoires criminelles fictives dans l'esprit du moment. Et elle explique, et c'est fort intéressant, après les apartheid, les portes de la liberté sont ouvertes sur de nouvelles possibilités. Les auteurs noirs ont voulu évoquer des sujets qui leur paraissaient concrets. La vie dans les townships, les conséquences de décennies d'oppression, mais aussi les espoirs dans la nouvelle Afrique du Sud. Bah, si vous considérez que ça, c'est une sorte de programme obligé et routinier, honnêtement, j'ai pas le sentiment. Je crois que c'est plutôt un programme libérateur pour un certain nombre d'auteurs qui n'avaient pas jusque-là accès à un public qui est apparemment aujourd'hui en extension permanente. Et en dehors de l'Afrique du Sud ? Alors, Janice Otsemi, j'en ai parlé au Gabon. C'est un écrivain passionnant, Otsemi. Il a eu quelques déboires avec... il faut peut-être un petit coup de griffe sur nos services consulaires à l'étranger qui sont pas toujours à la hauteur des demandes. En l'occurrence, on lui a refusé un visa alors que ce garçon, il devait venir à une manifestation littéraire en France, alors que ce garçon a toujours affirmé qu'il était pour lui absolument pas question de quitter le Gabon, que sa vie est au Gabon, que ses écrits et que son travail d'écrivain se fait au Gabon, et ô combien Otsemi écrit pour ceux avec lesquels il a grandi dans le ghetto, on dirait ailleurs, dans le bidonville. Et il écrit avec une langue qui parle... qui est une langue mélangeant l'argot gabonais, des éléments de langue locale, un français gabonisé, et ceux qui connaissent un petit peu l'Afrique savent ô combien le français est devient merveilleux quand il est enrichi par nos amis africains, combien il est créatif, combien il est grand, imagé, coloré, parlant... Otsemi s'inscrit dans cette tradition du français réinventé, magnifié, qui n'est pas une prison dans laquelle on doit écrire comme l'ont fait certains écrivains francophones, classiques, de manière codée et figée. Puis on doit ouvrir les portes. Otsemi écrit pour ces gens-là. Otsemi a commencé à écrire pour les Gabonais en passant par l'édition locale où il a été obligé de trouver un éditeur français. Non, il a été publié en France par une petite maison d'édition qui est installée à Marseille, qui s'appelle Gigal, et il est publié localement, me semble-t-il. Un ou deux de ses ouvrages ont été publiés localement par les petites maisons. Ma question, sous-entendu, c'était peuvent-ils exister sans éditeurs français, ces auteurs africains ? Non, il est clair que l'édition en Afrique reste à l'échelle artisanale dans bien des pays, que le nombre de lecteurs est encore limité, que les ressources sont limitées, les moyens limités, et que c'est un combat de tous les jours pour se faire publier. Néanmoins, les choses changent. Je pense qu'il faut citer un autre auteur qui est publié également en France, qui est béninois, Florent Kouaouzoti. Pareil, édité chez Gigal, son dernier livre, « La traque de la musaraigne » en 2013. On retrouve des caractéristiques identiques. C'est de la critique sociale indirecte parce que tout simplement décrivant le quotidien le quotidien des habitants dans des pays dont on connaît les difficultés pour exister aujourd'hui sur la cartographie du monde. Et enfin, pour conclure, voyez le succès qu'a obtenu en France la littérature scandinave. Les pays, Suède, Norvège, Danemark, c'est pas très grand. Imaginez ce qu'un continent aussi vaste, aussi varié, linguistiquement, culturellement, ethniquement, socialement, politiquement, que l'Afrique peut produire comme écrivain. Tout le monde en est d'accord. Il y a potentiellement un réservoir de littérature en Afrique, de littérature de genre absolument extraordinaire. Faut-il encore que localement l'édition fasse sa révolution, que les moyens soient apportés, que des éléments de la les élites s'y intéressent et sortent un petit peu de leur quant à soi, et qu'effectivement ils continuent d'être soutenus par des maisons courageuses comme Gigal en France. Hey baby. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Bonjour Jean-Michel Dion. Bonjour. Je ne vous présente plus sur cette antenne où vous présentez vous-même des émissions, mais je vous remercie d'avoir accepté mon invitation matinale pour nous présenter votre dernier ouvrage paru chez Grasset, Solitude au pluriel du pouvoir, un roman national à sa manière qui traite de la solitude des hommes d'État quand ils doivent faire face à des moments historiques. Par exemple, le général de Gaulle à Baden-Baden, Giscard d'Estaing lâché par son premier ministre Chirac, François Mitterrand quand il doit diriger sa première cohabitation avec la droite, Sarkozy à l'enterrer des soldats tombés en Afghanistan, ou François Hollande dans les instants avant sa prise de décision d'aller faire la guerre aux djihadistes du Nord Mali, ou encore, pour ne pas dire plus encore, ces hommes politiques qui n'ont pas été présidents, comme Michel Rocard, ou pas encore président, comme Alain Juppé, quand ils doivent prendre des décisions, seuls, contre vents et marées, à travers quelques histoires extrêmes où le destin d'un homme rencontre celui de la nation ou de la grande histoire, c'est un portrait de la Ve République et du fonctionnement de ses plus hautes institutions que vous esquissez. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre, de cette recherche, de cet essai et pourquoi d'ailleurs et pour quelle conclusion? C'est pour remettre en cause les institutions de la Ve République parce que ça peut être lu comme un plaidoyer pour passer vite à une sixième république avec des centres de pouvoir centralisés ou du moins partagés avec le Parlement, mais ce n'est pas du tout le sujet de votre enquête. C'est d'abord le travail d'un journaliste qui, depuis 20 ans, a fait son travail d'enquête et a réalisé plusieurs films sur des sujets proches ou adjacents du pouvoir. Et au fond, quand on passe beaucoup de temps à interviewer des hommes politiques et ceux dont vous parlez, on n'en garde que très peu de choses. Et moi, j'ai tout gardé. Et un jour, je m'étais dit, je reprendrai tous ces rushs, comme on dit dans le métier, des rushs de son, des rushs d'image. Et puis, j'essaierai d'essayer de sortir quelque chose qu'on n'entend pas forcément, qu'on ne lit pas forcément. Voilà. Donc, le point de départ, c'est un travail que j'ai recoupé avec d'autres de mes confrères, ou ceux qui ont écrit sur... Et que vous citez, d'ailleurs. Que je cite dans cet ouvrage. Mais c'était une manière de regarder la Ve République, j'en viens à la question, de manière très différente, par le petit bout de la lorgnette, par cette solitude, par ces moments dont on se désintéresse nous-mêmes, les journalistes, parfois... parce qu'ils ne font pas spectacle à ce moment-là. Et puis, au fond, la vraie question que je me suis posée, que je pose à la fin de cet ouvrage, c'est qu'on a changé de République sans le voir et sans le savoir. Alors, effectivement, puisque vous dites Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est-à-dire les trois derniers présidents qui ont occupé, occupent aujourd'hui la magistrature suprême, ont en commun de ne rien suggérer de ce mystère-là. Parce qu'on va parler de ce mystère de Gaulle, de ce mystère Mitterrand, ils ne surgissent de nulle part et sont les premiers destins à ne rien devoir à la guerre. Et donc, vous dites, ils occupent le pouvoir comme d'autres l'espace, et sans avoir ce côté qu'avait le général de Gaulle, qu'avait Mitterrand, qu'avait même Pompidou, c'est-à-dire sans avoir ce jardin secret qu'ils cultivent. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Et la Constitution ne leur offre plus le temps. De Gaulle avait 7 ans, il trouvait ça déjà très court. Aujourd'hui, c'est 5 ans pour la magistrature suprême. C'est-à-dire Jacques Chirac a connu les deux. Connu les deux, mais il fait partie quand même de cette génération qui n'a plus rien à voir avec le gaullisme tel qu'il était. D'ailleurs, on lui a contesté d'être l'héritier de Charles de Gaulle. Et on continuera je pense, à le faire. Mais s'agissant du temps, c'est la notion du temps, de la vitesse, de l'accélération de l'information, de la société du spectacle, telle que le disait Debord, à savoir que tout est mis en scène aujourd'hui. Et ces trois présidents, ces trois derniers présidents, dont celui qui occupe la place aujourd'hui, sont fabriqués dans un système, dans un monde qui n'a rien à voir avec les autres présidents. Et donc le temps a changé, le processus des décisions a changé, et surtout le type d'adrénaline qui permet de se tenir au fait, avec un accent circonflexe, au fait du pouvoir, eh bien cette adrénaline-là, c'est plus le silence. C'est plus la solitude. Et pourtant, eux-mêmes vont être confrontés à ces moments de solitude quand il faut prendre une décision. Mais vous dites, et c'est ça qui est incroyable, Jean-Michel Dian, vous dites, tous les trois ont joui ou jouissent du pouvoir, mais ont tué l'énigme. Comme si c'était important qu'il y ait... Bien sûr. Alors, en quoi c'est important ? C'est important de se mettre sur son Aventin, de se mettre à regarder loin et de penser lentement. Tout le monde... Dans son quotidien, ce n'est pas lié au président de la République, c'est lié à tout le monde. Tout le monde veut du temps. Et ce temps-là, on ne le trouve pas. Et quand on est dans les mains de représentants du peuple à qui on confie une partie de nos destins, de notre destin, on est très insécurisé de voir que ces gens-là ne prennent pas le temps de penser, ne prennent pas le temps de décider, de prendre de la hauteur. Et plutôt que de s'accaparer le silence, préfère occuper les scènes, la scène, par la parole, le verbe constant, une espèce de frénésie, d'hystérie de la parole qui permet d'occuper l'espace. Et pourtant, ces moments de solitude, ils les vivent comme les autres présidents, Jean-Michel Dian. D'ailleurs, vous construisez tout votre livre, votre analyse, votre enquête sur ces moments de solitude, que ce soit pour De Gaulle, François Hollande ou même Sarkozy, et ceux qui auraient pu devenir des présidents comme Michel Rocard, par exemple, ou Alain Juppé, même si pour lui, on peut toujours imaginer un destin national. Ces moments de solitude, ils concernent tout le monde. Bien sûr. Et pourquoi avoir choisi ces moments-là pour, justement, parler du rôle de président, de chef de l'État, de son rapport au peuple, à l'image qu'il incarne de la France, parce que ce sont des moments d'une grande intensité, ou parce que ce sont aussi, j'allais dire, presque des moments romanesques pour le roman national. Vous avez parlé de roman national et vous avez raison. Toutes les situations que j'ai privilégiées sont des situations qui participent de ce roman national tel que le définissait Max Gallo à une certaine époque. Mais s'agissant d'Alain Juppé, j'ai pris les grèves de 95. Mmh. Tout simplement parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, Jacques Chirac venait d'être élu sur un thème très étonnant, la fracture sociale. Il a voulu, justement, c'est paradoxal, mais prendre de la distance et de la hauteur, Jacques Chirac, à ce moment-là. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais il l'a fait. Il a laissé Juppé aux manettes. Mais quand il a fallu prendre les grandes décisions, que les grandes grèves où les Français étaient dans la rue pour contester cette réforme de la sécurité sociale déjà et des retraites déjà, Alain Juppé, qui me le confie d'ailleurs dans un entretien de 2h30 qu'il m'avait accordé pour cet ouvrage, il était seul. Il était seul parce que le président de la République lui avait laissé les manettes, qu'il était parti en Afrique, il était parti en Allemagne à ce moment-là, et que dans les moments décisifs, il a fallu qu'il se débrouille tout seul. Voilà. Et il m'a raconté ces moments très précis où sa propre majorité le laissait tomber. C'est ça qui est très étonnant. Il n'avait pas en face à l'époque, pour ceux qui se souviennent de ces grèves de 95, il n'avait pas en face forcément que les syndicats. Il avait même la CFDT qui était avec lui. C'était Nicole Nota à l'époque. Mais il y avait quand même là sa majorité qui ne le soutenait pas. Il était profondément seul, Alain Juppé. Seul dans son bureau, avec deux conseillers, en train d'essayer de savoir comment sortir de cette braise, comment s'en sortir par le haut. Et franchement, la manière dont il le raconte, la manière dont ceux qui ont vécu cette histoire le racontent, montre que la responsabilité est absolument impressionnante. De la même manière que quand François Hollande décide d'intervenir au Mali, personne ne l'attend. Il est tout seul, tout début janvier 2013, et son secrétaire général le protège d'un certain nombre de contraintes qu'il doit gérer. Et là, il est tout seul dans son bureau. Il est enfermé, il ne dit rien. Et François Hollande, fidèle à lui-même, ne confie rien, même à ses proches, en interrogeant Jean-Yves Le Drian, en interrogeant Claude Sérillon, en interrogeant le secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas, qui m'ont fait la confidence de cette solitude totale de François Hollande début 2013. Eh bien, on a là, pour la première fois en face de nous, un président qui prend la grande décision. La première grande décision. Et c'est pas rien d'intervenir dans un autre pays, mobiliser l'armée, mais surtout sans que ceux qui ont en charge l'armée, en l'occurrence le ministre de la Défense, ne sachent exactement ce que François Hollande veut. Donc le silence, cette solitude, elle a eu lieu chez Hollande. Elle n'a pas eu lieu très souvent, mais elle a eu lieu. Et moi, j'ai essayé simplement de ramasser ce morceau-là de temps pour le décrire dans sa proximité, pour essayer de périmétrer cette solitude, ce silence. Et puis elle s'est refermée. Enfin, cette parenthèse s'est refermée. On a retrouvé un Hollande habitué aux médias, étant omniprésent sur la scène médiatique. Est-ce que vous regrettez ? Oui, je le regrette, mais on peut dire qu'il est condamné, lui, à la Constitution, avec ses 5 ans de mandat, comme tout président, comme tout homme de pouvoir. L'idée, c'est pas d'être au pouvoir, c'est d'être réélu. Mm-hmm. Et quand on veut être réélu, on crée les conditions de cette réélection. Mm-hmm. Non, mais l'idée de cette solitude, on peut aussi penser le contraire, à savoir que ça aurait été bien qu'il soit entouré, qu'il ne soit pas aussi seul pour prendre des décisions aussi graves. Surtout qu'en France, c'est un cas particulier, où même pour une déclaration de guerre, le Parlement n'est même pas sollicité. Donc c'est vraiment une décision de monarque. Nous sommes une monarchie contrariée, je le dis souvent, je le répète, notre République est une monarchie contrariée. Mais j'ai l'impression que ça vous plaît, justement, cette monarchie éclairée vous voit à merveille. Vous n'êtes pas dans cet ouvrage. À aucun moment, vous dites il faut passer vite à autre chose. Vivement la 6e République. Je pense qu'on ne change pas l'histoire d'un pays d'un trait de plume. On ne décide pas que la France sera une république du jour au lendemain. Notre fond monarchique... Je m'énerve de ne pas répondre à la question. Non, mais c'est on a un fond monarchique. Alors, on a une république qui... globalement fonctionne aussi. 6e République ou pas, ça changera rien. On pourra avoir une 7e République. Nous resterons sur un fond monarchique. Et que je vois pas ce qui pourrait changer, sauf la durée du mandat. Et moi, je suis un partisan d'un retour rapide au mandat de 7 ans et si possible encore un peu plus, tout simplement pour voir loin et lent. Solitude du pouvoir de Jean-Michel Dian, ça vient de sortir chez Grasset. Merci d'être passé ce matin nous en parler. Merci.